Tout conspire ainsi pour perdre la femme. Le luxe, les mauvais exemples, les mauvaises lectures. Triple contagion qui sévit jusque chez les femmes du peuple et qui, à tous les degrés de l'échelle sociale, remplit de rêves malsains les imaginations et les cœurs. Et lorsque, à toutes ces pernicieuses influences, s'ajouteront les résultats de l'éducation athée, que deviendront nos foyers? Il y aura là des abîmes de dépravation que l'on ne peut sonder, et sur lesquels nous avons déjà arrêté nos regards attristés. À défaut de la conscience, est-ce la crainte du châtiment qui prémunira la femme contre la violation de la foi conjugale? Nous en doutons. À moins que le mari, surprenant sa femme en flagrant délit d'adultère, ne se soit vengé lui-même. Les antiques châtiments réservés à l'infidélité conjugale ont fait place à des peines infiniment moins sévères. L'épouse coupable et son complice sont punis correctionnellement d'une détention de 3 mois à 2 ans. Si le mari consent à reprendre sa femme, elle est rendue à la liberté. Quand on marie infidèle, il ne peut être poursuivi que s'il a entretenu sa complice sous le toit conjugal. Et encore n'est-il pas passible que d'une amende. Certes, l'infidélité de la femme a des suites plus graves que celles du mari, puisque l'épouse adultère peut introduire dans la maison des enfants étrangers à l'époux, et qui porteront son nom. Il est donc naturel que les lois humaines punissent plus sévèrement l'infidélité de la femme. Ainsi en jugeaient les anciennes législations. Mais au-dessus des intérêts humains, il y a les droits de la conscience. Au-dessus des lois humaines, il y a les lois de Dieu. Et devant ces lois, l'époux et l'épouse qui manquent à la foi conjugale sont également coupables. Saint Jérôme le rappelait éloquemment. À tous les maux qui rongent le foyer domestique, on oppose aujourd'hui un remède plus dangereux que le mal. C'est par la dissolution de la famille que l'on prétend combattre sa désorganisation. Le divorce est à l'ordre du jour. Les hommes qui veulent rétablir le divorce, malgré la triste expérience que la France en a faite de 1792 à 1816, ces hommes croient qu'en le limitant à de certains cas, ils en rendront l'usage moins périlleux. Mais comment arrêter le torrent lorsque la digue est rompue? Certaines législations antiques restreignaient ainsi la faculté du divorce. Cependant, nous voyons que si la loi du Sinaï avait dû permettre cet expédient aux Hébreux, à cause de la dureté de leur cœur, les talmudistes en multiplièrent un jour les causes, avec une profusion inconnue à la législation primitive. De même, les Romains de la décadence trouvèrent au divorce des motifs dont leurs ancêtres eussent repoussé la puérilité. Un jour vient où les matrones divorcent pour cause de mariage et se marient pour cause de divorce, dit Sénèque. En rappelant ailleurs cette parole, nous ajoutions « Les matrones ne se bornent pas à suivre la supputation romaine des années, c'est-à-dire à compter le nombre des consulats. Elles calculent le nombre des années d'après celui de leurs époux. Mais encore, c'est trop peu dire. 8 maris en 5 automnes, dit Juvénal. D'ailleurs, sans chercher de si lointains exemples, la loi que la Chambre des députés vient de voter et que le Sénat n'a pas sanctionnée, cette loi contient 2 articles qui peuvent autoriser, sous les plus faibles prétextes, la rupture du lien conjugal. Elle admet le divorce par consentement mutuel, ce qui permet aux époux de se quitter d'un commun accord pour aller former ailleurs de ces liaisons temporaires que crée le vice, et que jusqu'à présent l'on nommait des ménages irréguliers. Il ne manquait plus à ces immorales associations que d'être sanctionnés par la loi. Quant aux injures graves, on a démontré combien la jurisprudence peut étendre le sens de cette expression. Dans les meilleurs ménages, n'y a-t-il pas de ces froissements où, plus d'une fois sous l'empire de la colère, il échappe une parole dont la portée dépasse certainement l'intention de celui qui l'a proférée? Le caractère plus ou moins impétueux de l'un des époux ne sera-t-il pas alors une cause de divorce? Le divorce pour injure grave, aussi bien que le divorce par consentement mutuel, ne ramène-t-il pas implicitement le divorce pour incompatibilité d'humeur? Ce divorce que le projet de loi a cependant repoussé, n'est-ce pas compromettre à jamais la paix et le bonheur des ménages que d'admettre de tels cas de rupture? Lorsque le mariage est indissoluble, disions-nous ailleurs, chacun des époux doit, pour son propre repos, plier son caractère au caractère de l'autre, et l'habitude de vivre ensemble, l'estime réciproque, et surtout ce lien que nous les petites mains des enfants, tout cela contribuera à établir entre le mari et la femme une harmonie souvent plus solide que celle de l'amour. Mais quand le divorce a passé dans les mœurs d'un peuple, pourquoi se donner tant de peine pour arriver à la concorde? N'est-il pas plus facile de rompre un lien que de chercher à le rendre plus léger? L'époux quittera donc alors la compagne de sa jeunesse, et contractant une autre union, il y trouvera peut-être des déceptions qui lui feront regretter son premier mariage. Les sévices ou injures aux graves étant une cause de divorce, ne pourra-t-il aussi arriver que le mari maltraitera exprès sa femme pour reconquérir une liberté, dont il profitera pour épouser une autre femme plus jeune, plus belle, plus riche surtout? Faut-il dire à une époque où la spéculation matrimoniale a passé dans nos mœurs? Nous disions plus haut, le mariage n'est guère autre chose aujourd'hui qu'une opération financière, et la femme n'est plus qu'une valeur sur le marché matrimonial, jusqu'à ce que, le divorce aidant, cette valeur soit cotée à la bourse et passe de main en main. Je ne savais pas, en écrivant ces lignes, que des paroles à peu près semblables avaient été prononcées par un orateur de la Convention, le deux Thermidor en trois. La loi du divorce, disait Mel, est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est plus en ce moment qu'une affaire de spéculation. On prend une femme comme une marchandise en calculant le profit dont elle peut être l'objet, et l'on s'en défait aussitôt qu'elle n'ait plus d'aucun avantage. C'est là un scandale vraiment révoltant. Dans une autre séance, Mail ajoutait « Vous ne pourrez arrêter trop tôt le torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses. » Le conventionnel d'Héleville s'écria lui aussi « Il faut faire cesser le marché de chair humaine que les abus du divorce ont introduit dans la société. » Sur les 20 000 divorces qui eurent lieu à Paris, de 1792 à 1796, il y en eut plus de 7 000 entre les époux, qui avaient déjà divorcé une première, une deuxième ou une troisième fois. Cela ne doit pas nous étonner, car ceux qui divorcent une première fois sont de mauvais maris ou de mauvaises épouses, qui, probablement dans un autre mariage, ne seront pas meilleurs. Ces paroles étaient prononcées à la Chambre le 6 mai dernier par M. Henri Giraud, qui rappelait aussi que dans l'exposé des motifs du projet de loi que M. Naquet présentait sur le divorce, ce dernier disait « On s'occupe en ce moment de réduire la durée du service militaire, tandis qu'on veut maintenir l'indissolubilité du mariage. » En citant ce passage, M. Giraud ajoutait « Vous voudriez donc qu'on réduisît aussi, au moyen du divorce, la durée du service matrimonial, et peut-être admettre le volontariat d'un an ?» Ainsi que l'affirmait Martial dans son brutal langage, c'est l'adultère légal. Nous nous acheminons aussi vers les unions libres, tant prônées par certains romans. Le type hideux de la femme libre s'épanouira au grand jour. La loi votée par la Chambre admet cependant de plus sérieuses causes de divorce que celles que nous avons indiquées. Telle est l'infidélité d'un des deux époux. Ici, on ne distingue plus entre la faute du mari et celle de la femme. Que le mari ait ou non entretenu sa complice sous le toit conjugal, la femme peut demander le divorce. Dans cette loi, le divorce est encore autorisé, quand l'un des époux a été condamné à une peine infamante, autre que le bannissement et la dégradation civique, prononcée pour cause publique. Ah, nous comprenons ce qu'il peut y avoir de désespoir et de honte dans l'existence de l'époux ou de l'épouse qui reste seul à son foyer, tandis que celui ou celle qui porte son nom mène une vie scandaleuse, ou châtié par la société, subit sa peine dans un bagne même. Mais dirons-nous ici avec son éminence le cardinal Denet, pour quelques situations dont le divorce serait le remède peut-être que de malheureuses conséquences. De toutes ces conséquences, la plus terrible est l'écroulement de la famille, le triste sort des enfants. On nous dit que la séparation de corps crée les mêmes dangers. Non, d'abord parce que cette séparation, ne permettant pas aux époux de se remarier, est assurément moins fréquente que ne le serait le divorce. Nous ne pouvons que répéter ici que la faculté du divorce rendra inutiles les concessions mutuelles. Il est rare que l'on invente des prétextes pour la séparation. Et pour avoir droit au divorce, on créera, s'il le faut, redisons-le, l'un des motifs qui le permettent. De récentes affaires judiciaires témoignent que l'adoption présumée de la loi a déjà fait prendre à certains hommes des précautions de ce genre. Non seulement les sévices, les injures graves, mais l'infidélité même, tous ces moyens et d'autres encore, seront bons pour obtenir le divorce. Les enfants seront donc plus menacés que jamais de perdre cette pierre du foyer sur laquelle ils doivent être élevés. Lorsque les parents divorcés se seront remariés, les enfants reverront auprès de leur mère un autre époux que leur père, auprès de leur père une autre femme que leur mère. Et s'ils sont conduits ainsi à plusieurs foyers successifs, quelle idée se feront-ils de la sainteté de la famille? Que deviendra à leurs yeux l'auréole de la mère, la majesté du père? Le respect filial n'existera guère davantage que dans ces sauvages contrées où règne une hideuse promiscuité. Et un jour viendra où les enfants connaîtront moins encore leurs parents que les animaux, qui du moins les voient veiller sur eux tant qu'ils en ont besoin. Que deviendra la sollicitude paternelle ou maternelle chez celui ou chez celle qui, passant d'un foyer à un autre, aura eu des enfants de toutes ces unions successives? Dans la séparation de corps, déjà bien douloureuse cependant, et qu'il faudra éviter au prix des plus grands sacrifices, un tel spectacle est généralement épargné aux enfants. Pour qu'un homme ou une femme ose se montrer aux yeux de ses enfants avec son complice, il faut que cet homme ou cette femme ait perdu le dernier sentiment qui subsiste dans l'être le plus dégradé, le respect que lui inspire l'innocence de son enfant. C'est à un foyer solitaire que l'enfant, qui vit avec l'un de ses parents, retrouve l'autre quand il le visite. Dans la maison où il est élevé, la place du père ou de la mère n'est pas occupée, elle manque. Et lorsque vient un jour où l'enfant a compris qu'un grand malheur a passé sur son foyer, avec quel redoublement de tendresse, de respect, il se dévoue à celui de ses parents, qui a dû être à la fois pour lui père et mère, et que sacre à ses yeux la double couronne du malheur et de la vertu. Je ne sais si beaucoup de ménages recourront aux facilités de vie que leur promet la nouvelle loi. Mais ce que je sais bien, c'est que les femmes chrétiennes ne les accepteront jamais et demeureront inviolablement attachées au principe d'indissolubilité qui est la loi primordiale de l'humanité et que le Christ a rappelé. Il est de ces femmes chrétiennes, et il en est beaucoup, qui, maltraitées ou trahies par un époux, se refusent eux-mêmes à la séparation de corps et restent vaillamment à leur poste. Au pied de la croix, elles acceptent l'épreuve, elles la bénissent. Les enseignements de la religion leur ont fait savoir que l'épouse fidèle sanctifie l'époux infidèle, et humbles et silencieux missionnaires, elles remplissent à leur foyer par l'exemple de leur vertu et par leur céleste résignation un apostolat que Dieu bénit plus d'une fois sur la terre, par un tendre retour du mari coupable. Il y en a de plus héroïques encore. Il y en a qui se dévouent à un être déshonoré, condamné à une peine infamante. Ou elles le croient innocent, et alors il devient pour elles un martyr, ou bien elles le savent coupable, et elles lui restent attachées pour le relever et le sauver. D'ailleurs, fussent elles même privées de la foi, les plus délicats instincts de la pudeur ne leur disent-ils pas qu'elles ne peuvent vivre avec un juste mari du vivant du premier? Pour l'honneur des femmes de France, j'espère que l'on en trouvera peu parmi elles qui braveront cette honte. Comme leur aïeule, la prêtresse gauloise Cama, elles diront non en jetant aux pieds de leur mari la tête du centurion romain, mais en repoussant la loi qui ferait d'elles des courtisanes légales. Deux hommes vivants ne se vanteront pas de m'avoir possédé. Certes, répétons-le, c'est rarement en dehors de la religion que la femme a la magnanimité, la divine compassion qui font d'elle la martyre du devoir au foyer conjugal. Le christianisme seul nous apprend à souffrir, et la doctrine positiviste qui cherche à le remplacer n'apprend qu'à jouir. Aussi les hommes qui proscrivent Dieu de l'éducation sont-ils les mêmes qui appellent le divorce? C'est logique. Ce n'est pas après avoir désarmé le soldat qu'on l'envoie à la bataille. Ce n'est pas avec la perspective du néant que l'on nous dédommage des douleurs de cette vie. Où se retrouve le type de la femme française? L'abaissement du caractère de la femme, la désorganisation du foyer, voilà ce que nous a surtout montré jusqu'à présent le XIXe siècle. Si la société française tout entière était gangrénée par cette corruption, il y aurait de quoi désespérer de notre patrie. Une seule ressource peut sauver un pays en décadence. C'est la famille avec ses traditions domestiques, patriotiques, religieuses. Grâce à Dieu, cette ressource suprême ne nous manque pas encore. Et si les mauvaises mœurs sont les plus apparentes parce qu'elles sont les plus tapageuses, elles ne sont pas, disons-le bien haut, en majorité parmi nous. À toute époque, le mal a existé, et à toute époque aussi, le bien a poursuivi son cours. À côté de la femme légère, corrompue même, entraînant les hommes au mal, on a vu et l'on voit toujours la femme laborieuse, unissant à la tendresse miséricordieuse, le dévouement poussé jusqu'au sacrifice, la force morale qui fait d'elle pendant l'épreuve la consolatrice de l'homme, la conseillère du plus difficile devoir. On a dit quelquefois, avec beaucoup d'injustice, qu'au fond de toute faute de la part d'un homme, il y a une femme. Le contraire est plus près de la vérité. Dans toute action noble et désintéressée, cherchez bien. Vous trouverez votre mère ou votre femme, ou votre enfant qui vous inspire, si vous êtes vraiment un homme de cœur. Mère, épouse, fille ou sœur, oui, répétons-le. Il est des inspirations qui naissent de préférence dans le cœur des femmes, où le froid calcul, les ambitieuses réserves, les secrètes convoitises ont toujours moins de prise que sur l'esprit des hommes, même les meilleurs. Tel est le caractère, telle est l'influence de la femme fidèle au plan divin. Ce type a existé dans les plus anciennes contrées patriarcales. Il s'est même retrouvé dans la corruption païenne. Mais il a reçu dans la femme forte de l'Écriture son expression la plus accomplie, avant que l'Évangile lui eût donné une plus complète puissance de rayonnement et de tendresse. Ce type, nos vieux ancêtres de Gaulle et de Germanie, l'ont adopté avec amour, eux qui reconnaissaient dans la femme quelque chose de divin. Pour les rudes guerriers du Moyen-Âge, la femme, être sacré, est une image visible de la Vierge Mère de Dieu, et le respect chevaleresque qu'elle leur inspire devient l'un des traits de la civilisation française. Ce type, la corruption des siècles, l'a épargné. À une civilisation plus brillante, mais moins pure que celle du Moyen-Âge, la femme française et chrétienne n'a donné ou pris que les traditions de bon goût littéraire, d'urbanité sociale, de bonne compagnie enfin, qui s'adaptent si bien à ses qualités natives, la grâce enjouée, la vivacité d'esprit. C'est par elle que vivent encore aujourd'hui les rares salons qui ont gardé les traditions d'autrefois. C'est plus d'une fois par elle que le sentiment du beau trouve encore de l'écho parmi nous. À tous les degrés de l'échelle sociale, le type de la femme française existe aujourd'hui. Et si dans les classes populaires, une éducation appropriée à une modeste destinée lui donne moins d'éclat, ces grandes lignes subsistent toujours. Par l'élévation des sentiments, la plus humble femme du peuple a une distinction innée qui frappe souvent l'attention de l'observateur. Dans tous les rangs de la société d'ailleurs, les femmes françaises ont pour le bien un admirable élan. Enthousiasme de leur nature, elles ne se bornent cependant pas à se laisser exalter par les grandes inspirations. Avec cette tendance pratique qui est dans notre caractère national, elles sentent le besoin de traduire par des actes les généreuses émotions qui ont passé dans leurs âmes. La charité n'a pas de plus actif missionnaire que les femmes de France. Ce sont les femmes qui, chaque année, figurent en majorité parmi les lauréats des prix Montyon, qui récompensent les humbles héroïsmes de la charité. Pauvres elles-mêmes, elles donnent à de plus pauvres qu'elles leurs soins, leur pain, leur temps. Dans les classes plus élevées de la société, même chaleur d'âme, même sollicitude. Il y a encore des châtelaines, qui, de même qu'au Moyen-Âge, sont les mères de leurs paysans, et demeurent au milieu d'eux pour les éclairer, les soutenir, les soigner enfin dans leur maladie. Au sein des villes, que de femmes vont porter dans les plus misérables demeures les tendres encouragements et les secours matériels de la charité. Depuis qu'avec saint Vincent de Paul la charité est surtout devenue sociale, les femmes n'ont cessé de participer aux œuvres fondées par ce grand apôtre du bien, ou qui, animées de son esprit, sont nées dans notre siècle. À présent, comme autrefois, les femmes du monde sont les dignes émules des sœurs de la charité et de toutes les saintes filles, qui, dans les autres communautés, se dévouent aux œuvres du bien. Comment ne pas nommer parmi celles-ci les petites sœurs des pauvres, et ne pas rappeler qu'elles furent instituées par deux ouvrières et par une servante? Sous l'inspiration de l'Évangile, les femmes de France, quel que soit leur habit, quelle que soit leur condition sociale, embrassent dans leur sollicitude l'existence humaine tout entière, depuis le moment où l'enfant commence sa vie dans le sein de sa mère, jusqu'au temps où le vieillard se traîne dans sa tombe. Société de charité maternelle, éducation des enfants trouvés ou délaissés, orphelinat, crèche, asile, école primaire ou professionnelle, ouvroir, patronage des jeunes ouvrières, valides ou malades, patronage de cercles d'ouvriers, fourneaux économiques, hospitalité de nuit, hospices de vieillards, hôpitaux, bagnes, prisons, maisons de détention, de correction, de préservation, patronage des jeunes filles détenues et libérées, école de réforme pour les petits vagabonds, on retrouve partout la femme de l'Évangile, excepté dans les écoles et dans les hôpitaux, d'où l'on chasse avec le Dieu qui protège l'enfant et qui secourt le malade, la sainte fille qui est la mère de l'un et de l'autre. Enfin, toutes les œuvres que je viens de signaler ici, et qui mériteraient une longue étude, que ne me permet pas le cadre restreint de mon travail, je ne peux résister au désir d'en désigner deux, qui montrent sous deux aspects caractéristiques la courageuse charité des femmes de France. L'une est l'œuvre des Dames du Calvaire. Elle réunit en une grande famille les veuves qui cherchent en Dieu, et dans la charité les seules consolations que puisse laisser le déchirement des affections humaines. Sans former de vœux, sans habits religieux, elle recueille des femmes atteintes des plaies les plus repoussantes, les plus infectes, et ces plaies, ce sont elles qui les pansent de leurs propres mains. Voilà ce que la charité chrétienne donne de courage physique, et voici maintenant ce qu'elle donne de courage moral. Parmi les communautés qui s'occupent spécialement des œuvres pénitentiaires, et au nombre desquelles j'aime à placer le nom des sœurs de Marie-Joseph et de Notre-Dame du Bon Pasteur, des dominicaines appartenant aux premières familles de France ne se bornent pas à recueillir les libérés des prisons, disais-je ailleurs. Avec une charité vraiment sublime et qui confond tous nos préjugés humains, elles ouvrent leur rang à celle de leurs protégés, qui après 5 années d'épreuves ont été jugées dignes de prendre place parmi les épouses de Jésus-Christ. C'est au révérend père Lataste qu'est due l'inspiration de cette œuvre si bien nommée, l'œuvre des réhabilités, qui est également appelée la maison de Béthanie, admirable souvenir de l'humble demeure que visitait Jésus, et où notre Sauveur aimait à rencontrer auprès de Marthe, qui n'a jamais failli, Marie qui a péché, mais à qui il sera beaucoup pardonné, parce qu'elle a beaucoup aimé. Ce courage qui fait surmonter à la femme française et chrétienne tous les dégoûts physiques, toutes les répulsions morales, ce courage lui fait braver tous les périls. Dans les hôpitaux ravagés par le choléra, sur les barricades, sur les champs de bataille, on voit la cornette de la sœur de charité, et sous le feu meurtrier des obus aussi bien que sous le souffle empesté de l'épidémie, elle a trouvé de vaillantes auxiliaires dans la société laïque. Lors de nos récentes calamités nationales, la bravoure et le patriotisme des femmes de France se sont montrés à la hauteur des exemples du passé. Si Dieu n'a plus suscité parmi elles une Jeanne d'Arc, du moins elles ont prouvé qu'elles n'étaient pas indignes d'être nées dans le pays de l'héroïne. Nous les avons vues à Paris supporter gaiement les rudes épreuves du siège, la famine, le bombardement. Nous les avons vues passer les glaciales nuits d'hiver à la queue des boucheries municipales. Nous les avons vues accepter avec intrépidité la perspective d'une explosion qui aurait fait périr avec elle l'envahisseur, et demeurer calme au milieu des obus, qui, sifflant sur leur demeure, leur apportaient peut-être la mort. Lorsqu'un décret décida que les femmes qui atteindraient les obus ennemis seraient considérées comme tombées au champ d'honneur, c'était dignement répondre à l'enthousiasme avec lequel les assiégés de Paris partageaient non seulement les rigueurs, mais les périls de la guerre. Elle pouvait avec fierté dire cette parole que je recueillais un jour sur les lèvres de l'une d'elles. « Eh bien, nous mourrons comme des soldats. » Devant le péril de la patrie, la femme s'est sentie une âme romaine, et j'ai vu la mère du soldat faire passer le salut national avant même la vie de son fils. Quand les généreuses émotions de la guerre étrangère firent place aux poignantes douleurs de la guerre civile, les femmes se montrèrent pour sauver des proscrits. Heureuses celles qui purent, comme les dames de la halle, préserver leur pasteur de la mort. Rappelons-le encore ici, c'est dans l'action de la charité, c'est dans le courage du patriotisme, c'est dans les interventions qui ont pour objet d'arracher des innocents à la mort, c'est là surtout la vraie mission publique de la femme, ou pour mieux dire, c'est l'extension même du rôle qu'elle remplit à son foyer. Cette mission sociale et domestique, la femme qui sait la comprendre, n'en réclame pas d'autre. Ce n'est pas elle qui prétend à l'émancipation politique. Il lui suffit de maintenir à son foyer les traditions de justice, de désintéressement, d'honneur chevaleresque et de généreux patriotisme qui font sacrifier l'intérêt personnel à la voix de la conscience. C'est dans ce sens que M. de Tocqueville souhaitait que la femme ne se désintéressât pas de la vie publique. « J'ai vu 100 fois dans le cours de ma vie, écrivait-il à Mme Schwetzin, des hommes faibles montrer de véritables vertus publiques, parce qu'ils s'étaient rencontrés à côté d'eux une femme qui les avait soutenus dans cette voie, non en leur conseillant tels ou tels actes en particulier, mais en exerçant une influence fortifiante sur la manière dont ils devaient considérer en général le devoir et même l'ambition. Elle sait aussi que la plus sûre manière de servir son pays est de lui donner dans ses fils de courageux soutiens, dans ses filles des femmes qui seront des mères éducatrices. et lorsqu'elle a le bonheur d'être unie à un homme digne d'elle, elle n'a pas non plus à songer à l'émancipation civile. Entourée de sa tendresse et de son respect, elle vit de sa vie, elle partage avec lui l'autorité domestique, et si la loi humaine ne lui accorde pas la plénitude de son droit maternel, elle exerce ce droit au nom d'une loi plus haute, le décalogue. C'est la famille patriarcale telle que Dieu l'a instituée au commencement du monde, et telle que le Christ l'a restaurée. Elle a traversé de bien mauvais jours, et peut-être subit-elle maintenant la crise la plus périlleuse qu'elle ait jamais eue à combattre. Ce n'est plus seulement comme autrefois la corruption des mœurs qui la menace, c'est l'ébranlement même des principes sur lesquels elle repose. Dieu, l'indissolubilité du mariage, l'autorité paternelle. Plus que jamais, il appartient à la femme d'être à son foyer la gardienne vigilante de ses principes. Elle ne remplit pas seulement ainsi ses devoirs d'épouse et de mère, elle remplit une mission patriotique. Au milieu des ruines qui nous entourent, elle protège contre l'effondrement général la seule pierre qui soit restée debout, la pierre du foyer. C'est sur cette pierre seulement que pourra se reconstituer la société française.